Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, voici la lecture d'un billet écrit par Calimac sur son blog Silex, que je vous invite à consulter régulièrement, tant ses écrits au sujet de la culture du libre et des communs sont pertinents et font réfléchir, qu'on soit d'accord ou non avec ses pensées. Voici donc le billet qu'il a écrit le 31 août 2017, enfin il l'a mis en ligne ce jour-là en tout cas. Le comité invisible et les communs, pourrons-nous encore être amis? J'ai profité de l'été pour publier une série de billets dont j'avais repoussé la rédaction trop longtemps. Parmi eux, celui que je poste aujourd'hui me tenait particulièrement à cœur, car cela fait plusieurs mois que je voulais écrire un commentaire du livre « Maintenant », publié par le comité invisible en avril dernier, aux éditions La Fabrique. Ce n'est pas une entreprise facile, car comme les précédents ouvrages du comité invisible, L'insurrection qui vient et À nos amis, ce livre est incroyablement dense et il demande plusieurs lectures approfondies pour en déplier tous les aspects. Certains passages sont vraiment lumineux, comme ceux qui analysent l'épisode de Nuit debout avec une critique particulièrement juste de l'assembléisme et du mimétisme parlementariste, dans lequel le mouvement s'est englué. La question du travail fait également l'objet de développements remarquables, avec des ouvertures sur l'économie collaborative, dépeinte comme la nouvelle frontière du capitalisme par l'extension de la mesure, à laquelle elle nous soumet, ou la manière dont l'exploitation des données personnelles par les GAFAM nous transforme en capital humain. Sur des questions complexes comme celle du revenu de base, le livre donne aussi beaucoup à réfléchir. Une phrase comme celle-ci, « Il n'y a qu'à une population parfaitement sous contrôle que l'on peut songer d'offrir un revenu universel » vaut sans doute à elle seule davantage que bien des articles critiques que j'ai pu lire sur la question. L'ouvrage revient aussi longuement sur le conflit social de 2016, autour de la loi travail, en essayant de montrer en quoi il a constitué une rupture, tant du côté du pouvoir et de la police, contexte d'état d'urgence, remise en question en cause du droit à manifester, application de la tactique des NAS, que des manifestants eux-mêmes, avec notamment l'apparition d'un cortège de tête particulièrement valorisé par le comité invisible, qui a réussi à fédérer plus largement que les traditionnels autonomes en subversissant même le sens des manifestations. Sur tous ces points, et bien d'autres, le livre est indéniablement précieux. Mais c'est pourtant une profonde sensation de malaise qui m'a étreint lorsque je l'ai refermé. Car si en apparence l'ouvrage, comme À nos amis le faisait déjà, met constamment en avant le concept d'amitié en affichant l'objectif de frayer des chemins ou d'organiser des rencontres entre des mondes amis fragmentés, il constitue avant tout une expression particulièrement acerbe d'inimitié, frappant à peu près toutes les composantes du mouvement social. Communistes, syndicalistes, négristes, écologistes, féministes, municipalistes, acteurs de l'économie sociale et solidaire, militants de la transition, tout le monde y passe successivement dans un esprit d'excommunication, j'emploie le mot à dessein, traquant la moindre compromission avec le système économique et politique comme motif de disqualification définitive. Ironiquement, les auteurs critiquent la tendance, hélas bien réelle, des cercles militants à centre déchiré. Citation, « Chaque groupuscule s'imagine gratter quelque part du marché de la radicalité à ses rivaux les plus proches en les calomniant autant qu'il est possible. » Fin de citation. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le comité invisible tombe aussi complètement dans ce travers avec ce livre. Or, le mouvement des communs n'échappe pas à ce petit jeu de massacre et c'est ce qui me pousse à écrire sur maintenant parce qu'il me semble que de telles attaques appellent une réponse que je n'ai pour l'instant lue nulle part. Bien sûr, ce n'est pas tant le principe même de ces critiques qui pose problème que l'angle sous lequel elles sont assénées et l'intention qui les anime. Il me semble en particulier que les prémices théoriques et philosophiques sur lesquelles le comité invisible appuie son raisonnement, notamment son analyse des phénomènes collectifs, sont défaillantes et susceptibles d'emmener les acteurs du mouvement social sur des chemins qui ne mènent nulle part. Étant donné l'influence que leurs ouvrages exercent, j'ai bien eu l'occasion de le constater en participant à Nuit debout, je pense important de démonter les principaux arguments du livre en montrant en quoi ils sont en contradiction avec les fondements de la pensée des communs. Comprendre pourquoi le comité invisible éprouve à ce point le besoin de s'en prendre, entre autres, aux communs, est chose utile, car c'est aussi une manière de mieux comprendre ce que sont les communs, en cernant au passage les raisons de leur incompatibilité avec une certaine mouvance anarcho-libertaire. C'est en tout cas, à titre personnel, le principal bénéfice que j'ai retiré de la lecture du livre « Know Your Enemy », comme dit la chanson. Je terminerai aussi en relevant certaines contradictions affectant la démarche même du comité invisible qui me paraissent confinées à l'imposture intellectuelle si tant est que l'on accorde un peu d'importance à la cohérence entre les paroles et les actes. Dans « À nos amis », déjà. À vrai dire, la critique des communs n'a pas commencé chez le comité invisible avec « Maintenant ». On trouve en effet déjà dans « À nos amis » un chapitre intitulé « Omnia sunt communia », traitant du sujet sur une vingtaine de pages. Et il y est question notamment des mouvements d'occupation des places publiques en Égypte, en Espagne et en Turquie, qui se sont tous, en effet, revendiqués à divers degrés à la fois des communs et de la commune. Dans « À nos amis », le comité invisible exprime son attachement à cette dernière et sa méfiance envers les premiers. Extrait du livre. Des économistes se sont attachés à développer ces dernières années une nouvelle théorie des communs. Les communs, ce serait l'ensemble de ces choses que le marché a le plus grand mal à évaluer, mais sans quoi il ne fonctionnerait pas. L'environnement, la santé mentale et physique, les océans, l'éducation, la culture, les grands lacs, etc. Mais aussi les grandes infrastructures, les autoroutes, Internet, les réseaux téléphoniques ou d'assainissement, etc. Selon ces économistes, à la fois inquiets de l'état de la planète et soucieux d'un meilleur fonctionnement du marché, il faudrait inventer pour ces « communs » une nouvelle forme de gouvernance qui ne reposerait pas exclusivement sur lui. Governing the Commons est le titre du récent best-seller d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, qui a défini 8 principes pour gérer les communs. Comprenant qu'il y avait une place à prendre dans une administration des communs encore toute à inventer, Negri et consorts ont fait leur cette théorie au fond parfaitement libérale. Ils ont même étendu la notion de commun à la totalité de ce que produit le capitalisme, arguant que cela émanait en dernier ressort de la coopération productive entre humains et qui n'aurait plus qu'à se l'approprier au travers d'une insolite démocratie du commun. Les éternels militants, toujours à court d'idées, se sont empressés de leur emboîter le pas. Ils se retrouvent maintenant à revendiquer la santé, le logement, la migration, le travail de care, l'éducation, les conditions de travail dans l'industrie du textile, comme autant de communs qu'il faudrait s'approprier. » Fin de citation. Retour au texte de Callimac. En lisant ce passage, on constate que ce qui pose problème au comité invisible, c'est d'abord le fait que la théorie des communs soit ancrée dans le champ de l'économie. Elinor Ostrom a bien reçu le prix Nobel d'économie, même si en réalité ses travaux sont à la croisée de plusieurs disciplines, la science politique, le droit, l'histoire, etc. Et oui, l'ouvrage majeur d'Elinor Ostrom s'intitule « Governing the Commons », que l'on a traduit en français par « La gouvernance des communs », mais qui aurait tout aussi bien pu s'appeler « Le gouvernement des communs ». Car ce qu'Ostrom analyse, ce sont les phénomènes de pouvoir, appelons un chat, à l'œuvre au sein des groupes assurant la gestion de ressources mises en commun, c'est-à-dire la manière dont ils arrivent à instaurer des règles et à les faire appliquer par des processus de décision collective. Ostrom explique, c'est le sens des fameux 8 principes de conception des communs, Design Principles, brocardée par le comité invisible, qu'à défaut d'être capables d'instaurer efficacement cette gouvernance, les groupes ne parviennent en général pas à assurer la préservation des ressources dans le temps, qui finissent surexploitées, saccagées ou accaparées. Elle insiste par contre sur un point, passé sous silence par le comité invisible alors qu'il est essentiel, celui de l'importance en tant que facteur de réussite de l'auto-organisation et de l'auto-détermination des groupes qui gèrent les communs. Les mots « self-organization » et « self-governance » reviennent ainsi constamment dans l'ouvrage. Elle constate en effet, dans ses observations, que, dans les hypothèses où des autorités extérieures ne laissent pas suffisamment d'autonomie aux communautés pour établir des règles adaptées à chaque situation particulière, la gestion en commun échoue quasi systématiquement. Et symétriquement, au sein même des communautés, elle remarque que les modèles hiérarchiques sont moins efficaces que le succès des groupes est conditionné au fait que l'ensemble des membres puissent prendre part aux délibérations concernant les règles à établir et leur mise en œuvre. Il y aurait d'ailleurs ici un point de rencontre possible avec la tradition anarcho-libertaire dans laquelle s'inscrit le comité invisible, notamment via la question de l'autogestion. Mais leur positionnement est en réalité si extrême que le simple emploi des termes comme économie, gouvernance, gestion ou administration suffit à leurs yeux à disqualifier la démarche. Au commun, ils préfèrent opposer la commune en tant que lieu de vie et de lien, en tant qu'espace à habiter et manifestation de la propension des groupes à s'organiser. Extrait. Les communes contemporaines ne revendiquent pas l'accès ni la prise en charge d'un quelconque commun. Elles mettent en place immédiatement une forme de vie commune, c'est-à-dire qu'elles élaborent un rapport commun à ce qu'elles ne peuvent s'approprier, à commencer par le monde. Fin de citation. Le problème, c'est que cette soi-disant distinction entre les communs et la commune reste baignée dans le plus grand flou. Beaucoup des acteurs qui ont participé au mouvement d'occupation des places se sont revendiqués explicitement du mouvement des communs, tout autant qu'ils se référaient à l'exemple historique de la commune, sans y voir de contradiction. Par ailleurs, au titre de ma propre expérience au sein de Nuit Debout, j'ai pu constater que la gestion des aspects matériels liés à l'occupation de la place de la République s'était opérée sous la forme d'une articulation de plusieurs communs, très ostromiens, pris en charge par les commissions logistiques du mouvement. Voir notamment ici, donc, en fait, dans le texte, il y a beaucoup de références, de citations et de liens. C'est pourquoi je vous incite vraiment à aller le voir sur sa source, dont je donnerai le lien à la fin, évidemment, du texte. Et je reprends la lecture, pardon pour la digression. On va reprendre cette phrase déjà. J'ai pu constater que la gestion des aspects matériels liés à l'occupation de la place de la République s'était opérée sous la forme d'une articulation de plusieurs communs très ostromiens pris en charge par les commissions logistiques du mouvement. C'est aussi ce qu'exprime Pascal Nicolas Lestrat dans son ouvrage « Le travail du commun », où l'on voit bien qu'opposer les communs et communes à propos des mouvements d'occupation ne fait guère de sens. Voici donc un extrait. Tous les récits d'occupation racontent immanquablement la capacité des gens à inventer une gestion démocratique de la vie quotidienne et leur capacité à construire en commun les communs indispensables au développement d'une communauté de vie, pour les repas, pour l'hygiène, pour la communication, pour le débat, pour la co-formation. De ces points de vue, les occupations sont un parfait synonyme du commun oppositionnel. Elle s'accompagne d'une réappropriation des conditions de vie et rehausse l'expérience de l'autonomie. Nul besoin d'école pour apprendre, nul besoin de médias pour communiquer, nul besoin de restaurants pour se nourrir, nul besoin d'institutions culturelles pour créer. Fin de citation. Au final, on comprend assez mal, tant à nos amis, les raisons profondes de cette hostilité du comité invisible vis-à-vis des communs, mais maintenant, a le mérite de clarifier par où passent ces lignes de fracture. Destituer le monde ? Le principal point d'achoppement tient à la perception du rôle des institutions que le comité invisible condamne radicalement, notamment dans un chapitre intitulé intitulé « Destituons le monde ». Les auteurs y critiquent la tendance des mouvements militants à vouloir créer des institutions alternatives à celles qui existent déjà, en appelant au contraire à faire de la destitution l'horizon de toutes les luttes. Rien ne déplaît plus, par exemple, au comité invisible, que les mouvements municipalistes issus des mouvements des indignés en Espagne qui ont pris par les urnes les municipalités de Madrid et de Barcelone sur la base de programmes faisant d'ailleurs une place au commun. Le comité invisible n'a pas de mots assez forts pour condamner toute forme de compromission avec la logique institutionnelle et ce passage en particulier me paraît intéressant à relever. Extrait. La grande malice de l'idée d'institution est de prétendre qu'elle nous affranchirait du règne des passions, des aléas, incontrôlables de l'existence, qu'elle serait un au-delà des passions quand elle n'est que l'une d'elles, et certainement l'une des plus morbides. L'institution se veut un remède aux hommes, à qui on ne peut décidément pas faire confiance, peuple ou dirigeant, voisin, frère ou inconnu. Ceux qui la gouvernent, c'est toujours la même fadaise de l'humanité pécheresse, sujette au désir, à l'égoïsme, à la concupiscence, qui doit se garder d'aimer quoi que ce soit en ce monde et de céder à ses penchants tous uniformément vicieux. Ce n'est pas de sa faute si un économiste comme Frédéric Lordon ne peut se figurer une révolution qui ne soit une nouvelle institution. Car c'est toute la science économique, et pas seulement son courant institutionnaliste, qui se ramène en dernier ressort à du Saint-Augustin. Au travers de son nom et de son langage, ce que promet l'institution, c'est qu'une chose en ce bas monde aura transcendé le temps, se sera soustrait au cours imprévisible du devenir, aura établi un peu d'éternité palpable, un sens univoque affranchi des liens humains et des situations, une stabilisation du réel, définitive comme la mort. Fin de citation. On relèvera la petite pique adressée à Frédéric Lordon, sur laquelle nous reviendrons plus loin, car il est extrêmement intéressant de confronter ce qui est dit dans Maintenant au livre Imperium, Structure et Affect des corps politiques. Mais arrêtons-nous pour l'instant à l'attaque contre l'économie institutionnaliste, car c'est précisément le courant auquel se rattache Elinor Ostrom, notamment à travers sa branche américaine fondée par John Roger Commons au début du XXe siècle. Cette école se distingue de l'économie néoclassique par l'importance qu'elle attache à l'analyse du rôle des institutions dans les comportements économiques. Or, cette approche marque profondément les travaux d'Elinor Ostrom, pour qui les communs sont avant toute chose des institutions. Son livre « Governing the Commons » est d'ailleurs sous-titré en anglais « The Evolution of Institutions for Collective Action ». Et c'est cela qui rend sa pensée foncièrement incompatible avec celle du comité invisible. Pour Ostrom, les communs ne sont ni des ressources, ni même des communautés, mais ce qu'elle appelle des arrangements institutionnels, liés aux règles collectivement mises en place par des groupes pour la gestion des ressources partagées, ainsi que des dispositifs assurant leur effectivité. Cette nature institutionnelle des communs ressort bien dans cette définition proposée par la chercheuse néerlandaise Tine de Moor. Citation. Un bien commun est un modèle de gouvernance qui facilite la coopération des personnes qui bénéficient d'un avantage en travaillant ensemble par la création d'une économie d'échelle modeste. Quand il est question de bien commun, il faut tenir compte des trois aspects suivants. Un groupe d'utilisateurs, généralement des prosommateurs, des gens qui sont donc à la fois producteurs et consommateurs. Ils prennent des décisions collectives concernant l'utilisation de ressources. Les ressources sont collectives également, en ce sens que leurs utilisations dépendent de la décision du groupe. Être membre du groupe vous confère des droits d'utilisation. Bien que l'utilisation collective d'une ressource puisse être intéressante, tant économiquement que socialement, la coopération n'est pas forcément directe. Lorsque des personnes travaillent et utilisent des ressources ensemble, un dilemme social peut survenir qui force des membres individuels du groupe à arbitrer entre leurs avantages individuels à court terme et les avantages collectifs à long terme. les communiers élaborent des règles visant à faciliter l'interaction entre le groupe d'utilisateurs et la ressource collective, ainsi que pour surmonter ce type de dilemmes sociaux. C'est ainsi qu'émerge une nouvelle institution pour l'action collective. Sa conception et son fonctionnement sont sensiblement différents du marché et de l'État, pris comme modèle de gouvernance dans la mesure où l'institution en question est basée sur l'autogouvernance, c'est-à-dire l'autorégulation, l'autosanction et l'autogestion. Fin de citation. Les communs sont donc des institutions pour l'action collective et il est clair qu'on ne peut les accueillir de manière bienveillante lorsqu'on se donne pour objectif de destituer le monde. Notons d'ailleurs que, pour faire écho au passage précité de maintenant, l'institution que constitue le common dans l'approche d'Elinor Ostrom a bien pour but de réguler les passions, les désirs, l'égoïsme ou les penchants des individus qui la composent. Ostrom étudie en effet des ressources naturelles rivales, pâturage, sources d'eau, réserves de poissons, forêts, etc., qui sont sensibles aux prélèvements opérés par des individus y ayant accès. La finalité des arrangements institutionnels est donc de mettre en place des règles qui viennent contenir la tendance des individus à ce que Frédéric Lordon appelle la pronation, c'est-à-dire le désir de s'approprier et de prendre pour soi. Pour y arriver, les communs établissent des règles, mais aussi se donnent les moyens d'en vérifier l'observation par des individus, y compris par le biais de systèmes de sanctions pouvant frapper des contrevenants. Les communs ont donc bien une nature institutionnelle et certains vont même plus loin dans cette direction en expliquant que la dynamique du commun relève tout entière d'une praxis instituante. C'est l'apport notamment de Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage. Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, ici résumé par Paul Sereny dans une recension. Citation. S'appuyant sur les concepts formés par Castoriadis, d'imagination sociale, d'imaginaire social et d'auto-institution, le texte cherche à montrer que le commun est le résultat d'une institution autonome, de choses et de relations par l'activité d'un sujet collectif. Cette activité est naturellement une activité de création ou d'invention radicale, et cette dimension est nommée praxis instituante. Si elle est dit instituante et non pas institutionnelle ou institutionnalisante, c'est précisément parce que cette praxis invente des institutions nouvelles, au lieu d'entrer dans des cadres déjà formés, d'adapter des institutions existantes à un donné nouveau, ou de les modifier à la marge. Fin de citation. Pas plus que pour Ostrom, il ne s'agit donc pour Dardot et Laval de se passer des institutions, mais au contraire, de faire en sorte que la société se réapproprie le processus de création des institutions. Et c'est dans ce projet qu'ils identifient le potentiel révolutionnaire des communs. Nouvelle citation. La révolution dont parle Castoriadis, c'est la réinstitution de la société par elle-même. C'est donc l'acte démocratique par excellence. La révolution est trahie dès qu'un parti, des experts, des pouvoirs économiques, se substitue à la capacité politique de la société, à la praxis instituante de ses membres. La question de la révolution est donc de savoir quelles institutions la société doit et peut se donner pour entretenir cette capacité politique et cette praxis instituante. C'était la fin de la citation. Cela ne veut cependant pas dire que le concept de destitution développé dans Maintenant ne soit pas intéressant pour penser les communs. Dans son ouvrage précité, Le travail du commun, Pascal Nicolas Lestrat y a par exemple recouru pour montrer que la dynamique des communs s'inscrit en réalité toujours dans une dialectique entre destitution et institution. Ceux qui veulent se réapproprier les communs se trouvent en général aux prises avec des institutions, publiques ou privées, qui en ont confisqué la gestion et qu'ils doivent donc commencer par destituer, parfois en allant jusqu'à se mettre dans l'illégalité. Mais ce mouvement est inséparable de la construction en parallèle d'un commun sous la forme d'une nouvelle institution. C'est ce que l'auteur appelle la portée destituante-instituante du commun. Extrait. Qu'est-ce que ces mouvements opposent aux institutions dominantes ? Fondamentalement, bien sûr, leur rage, leur espoir, leurs revendications. Mais, de façon tout aussi substantielle, ces engagés, enragés, dressent face aux institutions établies leur puissance d'autonomie, leur capacité à faire autrement, sur un mode collectif et transversal, en déjouant toute autorité verticale et en apportant la preuve en acte, par une pédagogie du faire, qu'ils peuvent se rapporter égalitairement les uns aux autres, comme s'ils étaient déjà libres, pour reprendre la belle formule de David Graeber, qui donne son titre à son livre. Je nomme commun oppositionnel cette conception substantielle du rapport critique qui puise partiellement dans des affects négatifs, s'opposer, et dans des affects positifs, communaliser, qui les conjugue pour, simultanément dans le même mouvement critique, destituer les normes d'activité dominante et en instituer de nouvelles. Fin de citation. On pourrait donner des dizaines d'exemples de cette dialectique destituante-instituante à l'œuvre dans les communs, mais il y en a un sur lequel je voudrais insister, parce que je trouve qu'il montre bien l'erreur foncière d'analyse commise par le comité invisible. C'est celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je fais une petite digression ici pour dire que je ferai un petit commentaire en fin de lecture parce que, je vais lire le texte sans l'interrompre pour l'instant. La ZAD est typiquement ce que maintenant encense à plusieurs endroits, et à juste titre, comme une entreprise réussie de destitution de l'État sur une portion du territoire. Mais j'ai eu l'occasion cette année de faire plusieurs séjours à Notre-Dame-des-Landes, et une chose qui est immédiatement palpable lorsqu'on discute avec les occupants, c'est que la ZAD est le lieu d'un intense travail instituant. Les occupants, pourtant souvent très proches idéologiquement du comité invisible, ont développé un ensemble de structures de coordination leur permettant de débattre collectivement et d'organiser l'occupation du territoire, voire par exemple ce dossier de la Confédération paysanne, c'est un lien. Outre les multiples collectifs sur lesquels s'appuie la vie sur la ZAD, avec chacun leurs propres règles de fonctionnement, les occupants ont par exemple mis en place un comité chargé d'arbitrer les situations de conflit, geste tout à fait ostromien, correspondant au point numéro 6 de ces 8 principes. Par ailleurs, la ZAD n'est pas refermée sur elle-même, et elle est en réalité organisée selon un principe de gouvernance polycentrique, sur lequel Ostrom a beaucoup insisté à la fin de sa vie. C'est ce qu'incarnent les associations comme COPIN, la CIPA ou la DECA, fédérant l'action de plusieurs dizaines de groupes, aux intérêts parfois divergents, mais tous en lutte contre le projet d'aéroport. On notera aussi que, maintenant que les perspectives d'une victoire paraissent se dessiner, les occupants imaginent la manière dont ils pourraient rendre pérenne l'occupation et invoquent à ce titre explicitement les communs comme forme possible d'une exploitation collective des terres. On peut se reporter à ce sujet au texte de la ZAD aux communaux, dans lequel les occupants expriment l'idée qu'ils ont déjà construit des communs sur la ZAD. Citation. Les communs, c'est toutes les infrastructures de l'autonomie dont a su se doter le mouvement au fil des années et qui s'inventent au jour le jour dans ce bocage. Ces outils sont multiples et ont pour objet de s'organiser collectivement pour répondre à nos besoins. Se nourrir, culture collective sur les terres occupées, forme de mise en partage des machines agricoles communes, tentative de distribution non marchande des denrées autoproduites sur la zone, mais aussi des invendus de supermarchés, etc. S'informer et communiquer. Radio Klaxon, ZAD Nadir, ZAD News, photopolycopieuses communes, etc. Se défendre, forme de mise en partage de matériel médical et d'apprentissage collectif de gestes de soins, de stratégie et de défense face à la police et à la justice, caisse anti-répression, diffusion de pratiques et de matériaux pour l'affrontement, tractopelle commun, etc., etc. Fin de citation. Allons même plus loin pour clore cette partie. Si le mouvement de lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a pu durer aussi longtemps dans le temps et se trouver en mesure de l'emporter aujourd'hui, c'est parce qu'il est parvenu à mettre en place des arrangements institutionnels au sens ostromien et à se doter d'un ensemble d'infrastructures sous la forme de communs. Sans cela, l'acte initial de destitution souligné par le comité invisible aurait sans doute été incapable de produire de tels effets. Sortir de l'économie? Si la question des institutions est une raison de l'hostilité du comité invisible vis-à-vis des communs, une autre est celle du rapport à l'économie. Là aussi, le point de vue exprimé dans « Maintenant » est radical, puisqu'il s'agit pour les auteurs ni plus ni moins de sortir de l'économie. Extrait. L'économie n'est pas seulement ce dont nous devons sortir pour cesser d'être des crevards. C'est ce dont il faut sortir pour vivre, tout simplement, pour être présent au monde. Chaque chose, chaque être, chaque lieu est incommensurablement en tant qu'il est là. On pourra mesurer une chose tant qu'on voudra. Sous toutes ses coutures et dans toutes ses dimensions, son existence sensible échappe éternellement à toute mesure. Fin de citation. Ce rejet radical de l'économie fait que le comité invisible condamne avec mépris le mouvement de l'économie sociale et solidaire, en faisant au passage à nouveau le lien avec les communs. Nouvelle citation. Il y a une foule de gens de nos jours qui tentent d'échapper au règne de l'économie. Ils deviennent boulangers plutôt que consultants. Ils se mettent au chômage dès qu'ils le peuvent. Ils montent des coopératives, des SCOP, des SCIC. Ils s'essaient à travailler autrement. Mais l'économie est si bien faite qu'elle a désormais tout un secteur, celui de l'économie sociale et solidaire, qui turbine grâce à l'énergie de ceux qui la fuient. Un secteur qui a droit à un ministère particulier et qui pèse 10% du PIB français. On a disposé toutes sortes de filets, de discours, de structures juridiques pour recueillir les fuyards. Ils s'adonnent le plus sincèrement du monde à ce qu'ils rêvent de faire, mais leur activité est recodée socialement et ce codage finit par s'imposer à ce qu'ils font. On prend en charge collectivement la source de son hameau et un jour, on se retrouve à gérer les communs. Fin de citation. Pour le comité invisible, le SS, l'économie sociale et solidaire, est typiquement une voie sans issue, si ce n'est même un remède pire que le mal. Car à leurs yeux, il n'y a pas d'autre économie, il n'y a qu'un autre rapport à l'économie. On perçoit bien ici un autre point d'achoppement majeur avec la pensée des communs. Car, contrairement à une confusion souvent faite, les communs ne visent pas à supprimer ni le marché, ni l'État, mais à trouver le moyen de les soumettre à une logique autre que celle du système néolibéral. Ce n'est donc pas un hasard si Elinor Ostrom a obtenu le prix Nobel d'économie, car même si son point de vue est particulièrement hétérodoxe, son propos était bien d'ordre économique. Parmi les penseurs des communs, on peut aussi citer Michel Bowens, qui depuis des années théorise la forme que pourrait prendre une économie des communs, articulé avec ce qu'il appelle un État partenaire. Cette évolution passe à ses yeux justement par un renforcement des liens avec l'économie sociale et solidaire à travers ce que Bowens nomme le coopérativisme ouvert. Dans Maintenant, le comité invisible appelle à déserter ou à saboter les structures économiques, mais certainement pas à les réinvestir d'un autre sens, comme se le propose de le faire l'économie sociale et solidaire et le mouvement des communs. Or, cet appel à la désertion de l'économie constitue à mes yeux un non-sens, et c'est même à terme un mot d'ordre dangereux. Les communs ont toujours été articulés, d'une manière ou d'une autre, avec le système économique, et c'est précisément ce qui fait leur intérêt. Quand Elinor Ostrom étudie des communautés de pêcheurs qui se partagent une ressource halieutique, désolé, je ne connaissais pas ce mot-là, les pêcheries de homards de Maine, ce sont des acteurs qui vont vendre leurs prises sur le marché, mais qui conviennent entre eux de règles communes pour éviter la surpêche et préserver la ressource dans le temps. Quand elle étudie des systèmes d'irrigation en Californie, l'exemple des aquifères, ce sont là aussi des agriculteurs qui ont besoin de puiser cette eau pour arroser des cultures dont ils vont vendre ensuite le produit sur le marché, mais qui sont capables de mettre en place collectivement un système de gouvernance évitant l'assèchement des nappes. Ce que montrent les communs, c'est donc que des acteurs économiques peuvent arriver à se comporter d'une manière autonome par rapport à la logique du marché, maximisation des profits, alors même qu'ils sont interfacés avec lui. Cette question nous reconnecte avec les travaux d'un autre penseur important, l'historien Karl Polanyi, qui, dans son livre majeur « La grande transformation », s'est intéressé au démantèlement des communs et à l'avènement du capitalisme moderne. Il montre notamment très bien comment, au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, une rupture vers ce qu'il appelle la société de marché est survenue lorsque ce dernier est arrivé à devenir un système autorégulé indépendant des autres dimensions de la société. Des systèmes économiques ont existé à toutes les périodes de l'histoire, y compris d'ailleurs sous la forme de marché, dès lors que les monnaies sont apparues. Mais ceux-ci avaient la particularité d'être encastrés dans la société, qui parvenait à les contenir. L'existence, sous l'Ancien Régime, des communs fonciers et des droits d'usage collectif sur les terres agricoles était d'ailleurs une manifestation de cet encastrement de l'économie au sein du social, qui limitait en pratique la portée du droit de propriété. Et c'est précisément ce qui s'est inversé avec l'avènement du capitalisme au moment de la révolution industrielle. La société s'est alors retrouvée encastrée dans le marché et soumise à sa logique. Lorsque la terre, le travail et la monnaie ont été érigés de force en marchandises. Cette notion d'encastrement est à mon sens essentielle et elle montre bien en quoi le mot d'ordre de « sortir de l'économie » est fallacieux. On verra plus loin que le comité invisible est d'ailleurs bien incapable de se l'appliquer à lui-même. L'enjeu n'est pas de rompre radicalement avec l'économie, mais de faire en sorte de la soumettre à nouveau au contrôle de la société. Et c'est précisément un des objectifs que poursuit, avec d'autres, le mouvement des communs. Certes, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas l'économie sociale et solidaire à elle seule qui va abattre le capitalisme mondial, le système ayant depuis longtemps montré sa redoutable capacité à absorber et à retourner les alternatives qui essaient de prendre corps en son sein. Mais il n'en reste pas moins que l'économie sociale et solidaire participe d'un mouvement de résistance qui permet d'éviter l'encastrement complet du social par l'économie de marché, sans lequel la situation serait infiniment plus préoccupante. Il faut lire d'ailleurs à ce sujet un auteur comme Jean-Louis Laville, et notamment sa dernière synthèse parue au Seuil sur l'économie sociale et solidaire, dans laquelle il montre bien que, notamment dans sa composante en associationniste, le sens de l'économie solidaire a toujours été avant tout politique et qu'il a permis, partout dans le monde, à des populations extrêmement fragilisées, pauvres, femmes, minorités ethniques, etc., de pouvoir revendiquer, conquérir et exercer des droits économiques et politiques. Je trouve extrêmement grave que le comité invisible se permette de balayer avec un tel mépris cet apport de l'économie sociale et solidaire à la lutte sociale. L'ironie, c'est que sous couvert de radicalité, leur vision de l'économie me paraît en réalité constituer une forme intériorisée de l'idéologie néolibérale. Comme le marché a réussi peu à peu, on ne peut le nier, à encastrer quasi intégralement la société dans sa logique, le comité invisible ne voit pas d'autre solution que de déserter complètement le champ de l'économie, sans voir que ce processus est réversible. Leur propos tend à essentialiser l'économie de marché et à déhistoriciser sa construction, ce qui est exactement le dessein de l'idéologie libérale depuis Adam Smith, qui veut nous faire croire que la naturalité, pardon, qui veut nous faire croire à la naturalité des lois du marché et du comportement de l'homo economicus. Dire que, par définition, l'économie constitue un rapport au monde condamnable et qu'il faudrait fuir n'est en définitive qu'une image renversée de cette construction idéologique libérale à laquelle ils se soumettent et absolument pas une manière d'en sortir. Contre cette vision, Karl Polanyi a d'ailleurs proposé une autre conception de l'économie, à mon sens infiniment plus féconde que la réduction manichéenne à laquelle se livre le comité invisible. Il oppose en effet à la conception formelle de l'économie, l'économie en tant que logique d'action rationnelle, et de la prise de décision comme un choix rationnel entre des usages distincts de ressources ou de moyens limités, il oppose donc une conception substantive définie comme suit. Citation. La seconde, le sens substantif, par opposition, ne présuppose ni la prise de décision rationnelle ni des conditions de rareté. Elle désigne simplement l'étude des choix humains qui leur permettent de vivre dans leur environnement social et naturel. Une stratégie de prospérité pour une société est vue comme une adaptation à son environnement et ses conditions matérielles, un processus qui peut impliquer ou non la maximisation de l'utilisation de ses ressources. Le sens substantif du terme « économie » est vu dans le sens plus large d'économiser ou d'approvisionner. L'économie est simplement la façon par laquelle une société satisfait ses besoins matériels et immatériels, statut social, rites, croyances, etc. Fin de citation. C'est cette économie substantive que visent à la fois les communs et l'économie sociale et solidaire et la raison pour laquelle il importe de renforcer les synergies entre ces deux sphères. Voir à ce sujet le dernier numéro de la RECMA, qui est aussi en lien dans le texte. Je prendrai pour finir cette partie un autre exemple, à nouveau tiré de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui m'a personnellement aidé à comprendre l'erreur de perspective du comité invisible sur les questions économiques. Parmi les institutions remarquables mises en place par les zadistes, il y a celle du non-marché. Il s'agit d'un rassemblement qui se tient chaque semaine où ceux qui produisent des denrées alimentaires sur la ZAD, du pain, fruits, légumes, lait, fromage, etc., viennent les proposer aux autres occupants avec un système de prix libre, c'est-à-dire sans fixer le prix a priori, mais en laissant chacun donner ce qu'il veut, ce qu'il peut, en échange, que ce soit sous forme monétaire ou non. Voilà ce qu'en disait un article publié au début de l'année sur Mediapart, qui montre le rôle important que ces échanges ont pour le fonctionnement de la ZAD. Extrait. Tous les vendredis, les produits de la ZAD sont mis à disposition des habitants et habitantes, des riverains et riveraines, à prix libre. Chacun laisse l'argent qu'il veut ou peut, ou rien du tout, pendant le non-marché. Les caisses de ce marché non-marchand, le seul endroit de la ZAD où tout le monde est à l'heure, entend-on parfois, abondent... Je ne comprends pas la phrase. Abondent Semtazad. Cette structure collective créée pour discuter de l'usage des terres reprises par le mouvement sert à coordonner les projets agricoles. L'argent récolté est destiné à la lutte collective et non à la vie quotidienne des habitants. Environ 20 000 euros y rentrent et sortent chaque année selon une personne qui s'en occupe. Ils financent les achats de farine, le gasoil, foin, pièces de rechange, du matériel. La ZAD vit grâce aux gros événements. Caisse de soutien à prix libre, tracto-vélo, info-tour, bar lors des grands événements, ainsi qu'aux dons qui affluent sur le compte de l'association Vivre sans aéroport. Fin de citation. Cette institution du non-marché porte particulièrement bien son nom. Ce n'est en effet pas une place de marché étant donné que les échanges n'y sont pas régulés par un système de prix fixé par la loi de l'offre et de la demande. Mais on voit bien qu'il ne s'agit ici en aucun cas de sortir de l'économie, si tant est que l'on veut bien donner un sens substantiviste à cette notion. Le non-marché fonctionne en réalité comme une forme de coopérative, certes sortie de l'économie marchande, mais gardant un pied dans l'économie monétaire et en faisant une large place à ce que Karl Polanyi appelle la réciprocité, les logiques de don et de contre-don, pour réguler les échanges. C'est typiquement la subtilité de ces formes d'arrangement institutionnel qu'une pensée sommaire, se donnant comme mot d'ordre de sortir de l'économie, ne peut plus appréhender sinon par le mépris. Comment faire communauté ? Ces taches aveugles dans l'analyse du comité invisible, on les retrouve également dans leur manière de concevoir les phénomènes collectifs, et c'est à mon sens la plus grave faiblesse du livre. D'une certaine manière, les auteurs partagent sur ce point les ambiguïtés traditionnelles de l'anarchisme. La pensée libertaire est en effet longtemps restée tributaire d'une conception associationniste des groupes où les individus s'assemblent et se séparent par l'effet de leur libre volonté. Mais tous les travaux de la sociologie, du moins depuis Durkheim, montrent que les groupes humains ont une emprise sur leurs membres, qui n'est pas réductible au simple jeu des volontés individuelles. On appartient à des groupes sous l'influence de forces qui nous dépassent. Et si l'individu peut se libérer de ses attaches pour en cultiver de nouvelles, ce n'est jamais aussi simple que la rupture de conscience, que la rupture conscience d'un contrat. Sans doute à cause de ces influences spinozistes, le comité invisible ne s'inscrit pourtant pas dans cette veine associationniste qu'il combat au contraire résolument dans le livre. C'est ce qui leur fait mettre l'accent sur la question des liens et de l'amitié, terme qui désigne sous leur plume ce pouvoir des groupes de faire entre des individus dans des rapports non réversibles à leur guise. Ils appellent cela la vie, assimilée à une nouvelle forme de communisme, conçue comme le fait vécu de la fraternité en action. C'est cette attirance pour les communautés réelles qui leur fait rejeter avec virulence, dans la dernière partie du livre « Pour la suite du monde », la tendance des militants à se constituer en collectif. C'est un extrait. Les collectifs en tout genre, de tous citoyens, d'habitants, de travail, de quartiers, d'activistes, d'associations, d'artistes, sont l'avenir du social. On adhère là aussi comme individu sur une base égalitaire. Pardon, je vais recommencer depuis le début. J'échauffe trop souvent. Les collectifs en tout genre, de citoyens, d'habitants, de travail, de quartiers, d'activistes, d'associations, d'artistes, sont l'avenir du social. On adhère là aussi comme individu sur une base égalitaire, autour d'un intérêt, et on est libre de les quitter quand on veut, si bien qu'il partage avec le social sa texture molle et ectoplasmique. L'égalité et l'horizontalité postulées rendent, au fond, toute singularité affirmée scandaleuse ou insignifiante et font d'une jalousie diffuse sa tonalité affective fondamentale. Plus la société se désagrégera, plus grandira l'attraction des collectifs. Ils en figureront une fausse sortie. Cet attrape-nigaud fonctionne d'autant mieux que l'individu atomisé éprouve durement l'aberration et la misère de son existence. Fin de citation. Ce faisant, le comité invisible se retrouve pourtant sur une corde raide, car s'il rejette le libre associationnisme des collectifs, nous avons vu qu'il condamne aussi radicalement les institutions, qui sont pourtant ce qui fait que les groupes humains tiennent ensemble et durent dans le temps. Du coup, le comité invisible met en avant un exemple qui revient constamment dans l'ouvrage comme la forme à leurs yeux désirable de l'action collective, le cortège de tête des manifestations auxquelles ils identifient ce qu'ils appellent la communauté. Citation. Il n'y a jamais la communauté comme entité, mais comme expérience. c'est celle de la continuité entre des êtres avec le monde. Dans l'amour, dans l'amitié, nous faisons l'expérience de cette continuité. Dans cette émeute où nous tenons ensemble au plan. Pardon, dans cette émeute où nous nous tenons ensemble au plan que nous nous sommes fixés, où les chants camarades nous donnent du courage, où un street medic tire d'affaire un inconnu blessé à la tête, je fais l'expérience de cette continuité. Fin de citation. En réalité, quiconque a déjà participé à ces situations de danger éprouvées en commun sait bien que l'on y fait l'expérience d'un phénomène particulier, celui de la capacité d'un groupe à s'auto-affecter spontanément, en suscitant des solidarités extrêmement puissantes et de la coordination, sans avoir besoin de direction centralisée. En cela, le comité invisible voit la possibilité de l'existence d'une verticalité à l'opposé de l'horizontalité informe des collectifs, qui puissent émerger d'elles-mêmes sans besoin de recourir à des formes d'autorité liées à des institutions. C'est à ce stade qu'il est intéressant de faire réintervenir dans cette discussion Frédéric Lordon, et notamment les développements de son livre « Imperium, structure et affect des corps politiques ». Car cette capacité des groupes humains à s'auto-affecter est précisément ce que Spinoza appelle « imperium » dans son traité politique, par cette formule célèbre « Ce droit que définit la puissance de la multitude, on l'appelle généralement « imperium ». Dans l'ouvrage, Lordon montre que c'est sous l'effet de cette puissance de la multitude que les groupes coagulent en des communautés dont la cohésion dépasse l'exercice de volonté librement associée. Il nomme cet effet « auto-transcendance du social » ou « transcendance immanente », laquelle donne au groupe la dimension de la verticalité où s'exprime le pouvoir. Ces effets peuvent être tout à fait passagers, comme ce qui se produit dans le cortège de tête d'une manifestation sous l'effet du danger ressenti en commun et des nécessités tactiques de l'action. Mais Lordon explique aussi que c'est l'impérium qui est à l'origine de la naissance des institutions sociales, des plus simples comme des plus élaborées, jusqu'aux États qui en constituent aujourd'hui la forme la plus aboutie. Le pouvoir de la multitude de s'auto-affecter passe par la production de formes symboliques qui finissent par se stabiliser sous la forme d'institutions assurant la cohésion du groupe. Et c'est là que la pensée du comité invisible me paraît extrêmement pauvre quant à son appréhension des phénomènes collectifs. Ce qu'il porte au nu, avec les cortèges de tête des manifestations, constitue en fait le niveau zéro de la dynamique produisant des institutions, qu'il rejette par ailleurs si fortement, sans voir que ces phénomènes ont en réalité exactement la même nature. Ce que montre Frédéric Lordon dans son livre, c'est que ces mécaniques d'auto-transcendance sont absolument inévitables dès lors que les groupes humains deviennent assez importants pour les déclencher sous l'effet du nombre. Cela signifie donc qu'à moins de rester dans les petits collectifs réversibles que le comité invisible conspue, tous les groupes devront immanquablement se confronter avec cette puissance de la multitude qui est la matrice de toutes les institutions. Or, typiquement, c'est aussi cette puissance de la multitude qui rassemble les communautés autour de la gestion des communs. Ce n'est pas directement sous cet angle qu'Elinor Ostrom aborde la question, mais il est évident qu'elle nomme auto-organisation, self-organization, ce qu'elle nomme auto-organisation renvoie à ce pouvoir des groupes de s'auto-affecter pour produire des institutions, et elle accorde aussi dans ses écrits beaucoup d'importance à la question du passage à l'échelle, scaling, renvoyant à la taille des groupes. Lordon prévient cependant que les communautés qui font ce travail instituant sont particulièrement susceptibles d'être affectées par les phénomènes de capture. Celle-ci peut survenir de l'extérieur, notamment de la part de l'État, institution des institutions, qui a acquis une place tellement centrale dans la vie collective qu'il a la capacité de soumettre à sa propre logique hiérarchique la plupart des institutions indépendantes qui pourraient germer en son sein. Par ailleurs, les groupes risquent aussi de subir des phénomènes de capture interne, par lesquels une partie des membres, voire un individu, arrive à capter à leur profit cette puissance de la multitude et à détourner le pouvoir d'auto-organisation. Ce sont là des pathologies de la gouvernance, des communs, que l'on connaît bien et qui signent souvent l'arrêt de mort de l'esprit communautaire des projets. Et ceci nous permet de reboucler avec la partie de ce billet consacrée aux institutions. Si l'on suit Dardot et Laval, l'enjeu des communs consiste à mettre en œuvre une réinstitution de la société par elle-même. Il s'agit donc de regarder en face la nature institutionnelle de ces phénomènes, ce que refuse de faire le comité invisible, tout en étant, avec leur don, extrêmement conscient des risques de capture qui peuvent toujours survenir et compromettre cette dynamique. C'est à mon sens au prix de cette lucidité que l'on pourra espérer enclencher un véritable processus révolutionnaire et certainement pas en se cachant la tête dans le sable comme le fait le comité invisible, en attendant qu'advienne une mystérieuse situation qui aurait magiquement la vertu de propager à toute la société des phénomènes passagers d'auto-coordination qui se produisent dans les cortèges de tête des manifs. C'est là justement tout l'intérêt des communs, à condition qu'ils se conçoivent comme des laboratoires de pratiques institutionnelles, ce que ne peut que condamner le comité invisible sur la base de leurs préjugés théoriques. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je termine par ce qui m'a en vérité décidé à écrire ce billet. Une profonde impression d'imposture intellectuelle qui se manifeste quand on compare ce que prône le comité invisible et la manière dont ils agissent en pratique. Depuis Marshall McLuhan, on sait en effet qu'il faut accorder autant d'importance au médium qu'au message. Or, comment le comité invisible s'y prend-il pour délivrer son message appelant à la sortie de l'économie? Réponse: en vendant 9 euros un livre dont le contenu n'est pas accessible en ligne, mis à part quelques extraits, et qui reste sous copyright, tout droit réservé, interdisant en théorie toute forme de partage en s'abritant derrière l'institution du droit d'auteur. Vendre un livre appelant à sortir de l'économie est à vrai dire à peu près aussi dénué de sens que si des antispécistes diffusaient un message animaliste par le biais d'ouvrages reliés en cuir pleine peau. On me rétorquera que peut-être que la fabrique n'est pas un éditeur comme les autres, que vendre le livre sous format de papier était le meilleur moyen de toucher le grand public, que 9 euros n'est pas un prix très élevé, que le comité invisible a publié de larges passages du bouquin en accès libre sur le site lundi matin, que le premier livre du comité invisible, L'insurrection qui vient, a été mis en ligne en accès gratuit par la fabrique, etc. À tous ces arguments, je répondrai « certes », mais tout ceci ne constitue somme toute encore que des compromis avec l'économie, alors que la posture du comité invisible consiste à discréditer systématiquement tous ceux qui assument un tel compromis, comme c'est le cas pour les communs et l'économie sociale et solidaire. Tenir ce genre de propos est à vrai dire périlleux, car c'est s'interdire toute forme de compromis, sous peine de tomber immédiatement dans une forme de contradiction performative décrédibilisant complètement le message. Sachant, par ailleurs, que le compromis peut prendre chez le comité invisible des formes absolument ridicules. Sur la photo ci-dessous, prise à la FNAC des Halles, on peut voir maintenant au rayon nouveauté, trônant à côté du controversé ouvrage « Décadence » de Michel Onfray. C'est en m'arrêtant sidéré devant cet improbable télescopage dicté par la plus pure des logiques mercantiles que je me suis juré d'écrire ce billet. Le pire, c'est qu'il aurait été fort simple pour le comité invisible et son éditeur de sortir de l'économie. Il aurait suffi, pour cela, de publier le texte en ligne sous licence libre. Les licences libres sont typiquement des outils qui permettent de démarchandiser des ressources numériques, comme le sont par exemple Linux ou Wikipédia, tout en laissant ouverte la possibilité de vendre des supports matériels que sont les livres de papier. Avec la notoriété acquise avec le temps par le comité invisible, il est évident que ce troisième ouvrage, très attendu après les remous de l'année 2016, se serait de toute façon bien vendu, même s'il avait été en accès gratuit par ailleurs. Les auteurs auraient certes encore été dans le compromis avec l'économie, mais pas au prix d'une perte totale de cohérence comme c'est le cas aujourd'hui. Car il faut bien arriver à cette conclusion. Le comité invisible n'a pas été capable de s'appliquer à lui-même les principes qu'il prône dans son propre livre, ce qui peut signifier deux choses. Premièrement, soit ce qu'il propose est impossible à réaliser. Deuxièmement, soit il se fiche profondément de nous. Et la seconde hypothèse est hélas sérieusement à envisager, car voici ce que l'on peut lire à la page 104 du livre dans la partie consacrée justement à la question de sortie de l'économie. Citation. Faire payer les connards est de bonne guerre. Qui aime ne compte pas. Là où l'argent vaut quelque chose, la parole ne vaut rien. Là où la parole vaut, l'argent ne vaut rien. Sortir de l'économie, c'est donc être à même de distinguer nettement entre les partages possibles, déployer depuis là où on est, tout un art des distances. Fin de citation. Le lecteur qui aura déboursé 9 euros pour pouvoir lire ces lignes pourra donc en déduire qu'il fait partie des connards et que l'argent a encore aux yeux des auteurs suffisamment d'importance pour accepter que leurs paroles ne valent rien, ne vaillent rien. La vérité, c'est que pour être cohérent avec son propos, il aurait fallu que le comité invisible commence par faire de son livre un commun, mais c'était difficile en partant des préjugés qui sont les leurs. Le pire, c'est que l'ouvrage contient aussi une pseudo-justification qui expliquerait le choix de ne pas faire apparaître le livre en version numérique. En plus des institutions et de l'économie, il faut en effet savoir que le comité invisible condamne aussi radicalement les écrans qu'il accuse d'engluer la population en l'empêchant de saisir l'instant présent. Citation. Toutes les raisons sont réunies de faire une révolution, mais ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Et les corps sont devant les écrans. Fin de citation. Que dire là encore? Sinon que comme pour l'économie, cela revient à essentialiser le numérique comme intrinsèquement malfaisant et à l'abandonner tout entier à l'ennemi, alors qu'il s'agit à l'évidence aujourd'hui d'un des terrains majeurs de la lutte à conduire. Sur cette question, on préférera lire Alain Damasio qui, sur le site de Lundi Matin, appelle au contraire à réinvestir le numérique comme objet de résistance, en faisant parfaitement le lien avec le logiciel libre des communs. Extrait. Liberté d'éducation, de production, de travailler ou non, liberté des savoirs, propriété ouverte et annulée, existence connectée et déconnectée, justice autogérée, commun partout. L'émancipation partira de la terre et de la chair, mais elle sortira aussi du numérique. Et elle impliquera de se réapproprier toute cette chaîne logistique digitale aujourd'hui intégralement privatisée et aliénée. Aussi bien les câbles et la fibre que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les routeurs, tout autant que les centres de données, data centers, qui sont les ultra-modernes forteresses de nos solitudes connectées. En aval, des fournisseurs d'accès, tout un poème. Pensez la totalité de nos pratiques en matériel libre, comme en logiciel libre, ordinateur et téléphone libre. Électronique libre, caméra libre, baladeur, console, imprimante 3D libre. Tout un écosystème technique qu'on puisse se fabriquer, se bricoler, se partager, mettre en commun et qui échappe à l'empire du traçage gafesque. L'enjeu des serveurs est tout particulièrement fort, tout comme la possibilité d'imaginer des centres de données autonomes, des ZADA centers autogérés, nichés dans nos ZAD et alimentés en énergie renouvelable. Cela pourrait déboucher non plus sur un darknet, mais sur un rednet ou un greennet, lieu d'expression et d'échange indépendant des monstres siliconés. Fin de citation. Voilà un terreau fertile pour la convergence des luttes, ce mot d'ordre qui fut si important pendant Nuit debout et qui est exactement à l'opposé de ce que veulent nos étranges amis du comité invisible. Je terminerai ce billet avec une phrase de maintenant que je trouve assez croustillante au vu de tout ce qui précède. Citation. Nous n'avons pas de programme, de solution à vendre. Destituer, en latin, c'est aussi décevoir. Toutes les attentes sont à décevoir. Fin de citation. Certes, le comité invisible propose peu de solutions concrètes, mais il a quand même un livre à vendre. Et comme j'ai essayé de le montrer, le lecteur exigeant trouvera effectivement bien des motifs de déception au fil de la lecture. Pour le reste, lisez Elinor Ostrom, lisez Michel Bowens, lisez Dardot et Laval, lisez Karl Polanyi, lisez Jean-Louis Laville, lisez Frédéric Lordon, lisez Spinoza. Lisez-les comme il vous plaît, en papier ou devant des écrans, scannez des bouquins et partagez avec le monde entier des fichiers. Investissez-vous de toutes vos forces dans les communs et dans l'économie sociale et solidaire. Faites attention aux zozos qui prétendraient vous en dissuader au prix de 9 euros TTC et d'une mortelle contradiction. Voilà, c'est ainsi que se termine cette longue lecture, sans doute la plus longue que j'ai faite à ce jour, du texte de critique de Callimac au sujet du livre Maintenant, du comité invisible. Et j'avoue être dans un parfait entre-deux. Il faut savoir que, de manière très volontaire, j'ai choisi de ne pas lire les livres du comité invisible. J'en ai lu des extraits, comme tout le monde, et je continue de m'en nourrir à la fois par des bribes qui apparaissent par-ci, par-là, et aussi, énormément, en fait, par l'imaginaire qu'ils provoquent et qu'ils démultiplient. Et que ça me nourrit suffisamment pour avoir une vision que je souhaite décentrer, en fait. Un peu comme je refuse de voir certains grands succès cinématographiques, etc., etc. Et pour ce qui concerne Callimac, beaucoup de choses, c'est une personne qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la notion justement de mettre en commun, de donner, de cesser d'obliger à un rapport marchand sur des choses qu'on ferait et qu'on vivrait. Et du coup, je crois que je me retrouve dans ce qu'on appelle typiquement la position anarcho-communiste ou je ne sais trop quoi. En vrai, je m'en fous de tout ça. Tout ça, c'est des dogmes et des religions. Des choses m'embêtent un peu quand même dans ce qu'ils présentent pour ce que je connais de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et je suis obligée de revenir dessus. Parce qu'il présente une version unitaire, les zadistes. Or, les zadistes le diront eux-mêmes, ils n'existent pas. Donc, du coup, présenter chaque initiative, chaque création d'instance, comme étant une vision collective, voire supra-collective, parce que faire intervenir la CIPA, le CEDPA, dans la gestion de la ZAD, chacune de ces affirmations est fausse. Elle est vraie de l'extérieur, elle est sans doute ce qu'on souhaiterait même, je ne sais pas, créer comme nouveau dogme de la ZAD. Mais chacune de ces assertions est fausse, en fait. J'en veux pour preuve l'histoire du non-marché, qui est effectivement quelque chose qui a été institué, qui a été un succès d'ailleurs, mais qui, au fur et à mesure, est déserté par ce que j'appellerais les personnes plus lisses, qui sont fatiguées par certaines confrontations avec la différence qui existe dans n'importe quelle société avec d'autres. Ainsi, on se retrouve actuellement avec, je vais dire, une personne de la ZAD, mais je pense que c'est plus qu'une, qui est capable de dire, moi, je vais continuer à produire pour mon groupe, pour mon collectif, pour Calais même, pour les migrants, pour les squats. Mais il est hors de question que je produise pour le non-marché où désormais je vois tous les assistés de l'État et rien d'autre. Et qui est dans un jugement très sombre sur le fait que des personnes habitent à la ZAD sans participer aux travaux collectifs des champs. Et ce qui, moi, me fait hurler, parce que à la fois je comprends sa fatigue, et en même temps, c'est rentrer complètement dans une forme de normalisation à nouveau. Et je pense que cette pensée, elle est peu dite, mais elle se répand actuellement sur la ZAD et elle m'inquiète énormément. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de choses vraies dans ce que dit Callimaque, mais il y a aussi beaucoup de choses vraies dans ce qu'analyse de manière très cynique et du coup très mordante et que je trouve parfois détestable au niveau du ton très suffisant, le comité invisible. Et je ne pense pas que la vérité soit unique une fois de plus. Donc voilà, je vous invite à continuer à lire du Callimaque, à continuer à lire si vous le souhaitez, du comité invisible, à lire lundi matin, à lire... Moi, mon gros souci, c'est que je vous dirais bien de lire L'Antre Révoltée, mais que comme ils produisent essentiellement sur Facebook, eh bien, j'ai hâte de voir le livre. Et à lire essentiellement les automédias, les médias alternatifs, à surtout écrire sur ces médias alternatifs ou à dire dans les radios alternatives, dans les radios comme Radio Klaxon, dans les radios comme Radio Cayenne ou... créer vos radios, mais à produire et à exister en dehors des récupérations institutionnelles ou non de cette économie libérale ultra, ultra, ultra, ultra envahissante, de ce capitalisme dévorant, et de réfléchir effectivement à la cohérence de ce que nous faisons, de ce que nous produisons. Certes, on ne peut pas tout faire, mais au moins essayer de faire un peu plus à chaque fois. Voilà, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne vie. Et bonne manifestation, parce qu'il est hors de question de lâcher la rue. Au revoir.